L'émission matinale de C'est fou s'appelle Assemblage requis. Oui, Mathieu. Et il y a des bons moments qui se passent. Des fois. Oui. Plus que d'habitude cette semaine, je trouve. Puis on les recense. Okay. On les met dans un bloc. Okay. Qui s'appelle. C'est comme le calendrier de l'Avent, c'est ça que c'est? Oui, exactement. C'est pas ça le nom, là? Non. Non, c'est-tu les meilleurs moments d'Assemblage requis, ça? Ouais, non, peut-être. C'est non. Ça, non. C'est un instant classique. Ah voilà. Voici les meilleurs moments d'Assemblage requis pour la semaine du 10 novembre 2014. Enfin de retour dans notre petit studio tout confortable. Enfin, la fin de semaine est finie. J'en pouvais plus de commencer cette semaine-là. En effet. On va se trouver parmi la liste une fête qu'on va nominer, envoyer directement au pape, qui va, j'espère, voir propager la bonne nouvelle. Mais avant ça... Propager. Comment? Propager. Propager. Propager. Propager. Elle a joué tellement long, j'ai eu le temps de mâcher ma pastille, d'en prendre une autre, la chasser au complet, la mâcher à la fin. Ouais, tabarouette, le... Ta langue qui veut faire des mouvements de va-et-vient en accéléré, c'est ça que tu voulais dire? Ouais, une affaire de même, là. Chose comme ça, mais moins sexuelle, peut-être. Non. Exactement sexuelle. Fais une joke de suçage dans ta tête, puis c'est exactement ça que je voulais faire. Dans quelques instants, Alexandra Carignan va nous ouvrir la boîte à musique. Oui, puis ça même tout. Tu sais même pas quel tour choisir. J'ai aucune idée quel tour. T'es pas bon. T'es qui, là? Oh, yeah! Bon! Okay. C'est le moment de recevoir celui qu'on aimerait pouvoir renvoyer à l'expéditeur. Non, c'est pas vrai. Celui qu'on... Non, c'est une blague. C'est une blague. Faut faire ça chaque semaine en dire que c'est comme rendu running. C'est pas grave, j'aime ça. Non, quand t'énerves, David. Marie Melon. Quoi? Marie Melon. Quoi? Si on t'accueille à chaque semaine, ça va devenir trop. Mais pourquoi? Trop de Marie Melon, c'est comme pas assez. T'es sûr que c'est équivalent? Je suis pas sûr que c'est. Je pense que ça fait exactement le contraire. Pas assez. Donc, on accueille David Ferron. Voici les notes salées. Que c'est encore meilleur que ça a jamais été! Oh my God! Oh my God! Yes, dear! Oui, mon chéreuil! Oh, bravo! Autant Mathieu, t'as de la compétition. Ouais, je d'ailleurs. Étant donné leur mauvaise vision, ils ont la difficulté à revenir à la maison là, après avoir mangé. Donc, avant de sortir, ils vont placer leur crotte sur des roches pour être capables de retrouver leur chemin. C'est comme des miettes de pain à la place. Hein? Le petit poussé? Le petit poussé. Ben voilà. Pourquoi est-ce à la place, que... c'est le petit poussé! Poussé! Oh. C'est le petit poussé! Moi, je l'aime, celle-là. Je m'appelle Mathieu Plante et dès le départ, j'accueille Sébastien F. Gutter! Moi, je vous sers le bouche-trou, dans le fond. C'est à peu près ça, en fait. Je te sers le bouche-trou pour Steph. Ça va être le fun. Ça va être la meilleure émission qu'on n'aura jamais fait. C'est chien pour Steph, ça, par contre. Non, c'est ça. En fait, c'était ironique. C'est... Ouais, probablement en plus. Parce qu'il faut pas laisser Mathieu Plante tout seul dans la vie. Ben, merci. Non, c'est tellement. Je l'apprécie, mais tellement. C'était pas un compliment. Ah, va donc. Dans les fonds du catacombe du Pierre Boucher, par là-bas, je pointe vers la mauvaise place. Puis c'est au-delà de mon doigt, pas juste directement devant. Fait que pour ceux qui suivent mon doigt, c'est par là-bas puis loin. Pour ceux étant moi. Ouais, ben, je dirais, c'est ça. C'est à peu près le seul fan de l'émission qui a droit à la version vidéo. En direct, comme on appelle la vraie vie. C'est le groupe Melly Grove Band que je te présente à la caméra 3. Oh! C'est mauve. C'est très mauve et rose. Caméra 3 de la vraie vie en passant nos yeux. Monsieur, vous avez 16 sous d'accumuler si vous voulez l'utiliser. Oh. Non, c'est 16 cents. Franchement. Mais là, s'il me demande ça à chaque fois, je sens que je me sens pas patiente présentement. Puis si on me le demandait là, je pense que je serais pas contente. Ah ouais. Tu veux quelqu'un qui a une carte de crédit sur le bord du cou? Hein? Ah, si tu vises bien, là, tu peux te débarrer des veines. Ninja! Twitter for refund à Assemblage requis. Où aucun remboursement n'est nécessaire parce que le contenu qu'on fait est toujours intéressant, n'est-ce pas? Oui. Voici ça. Oui. Juste après cette chanson qu'on va entendre de Caribou. Hey, j'avais lu Garou. Et boboy! Ah, j'ai eu peur. C'est-tu pas ça, il y a un peu? Forcément très beau parce que c'est très, très, très neuf. Ah, quelle fois neuf comme c'est neuf à NUF? Oui, dans ce sens-là. Wow! Ben, okay. C'est la même chose que NUF pour le chiffre. Je sais pas pourquoi je l'ai appelé. Ben, juste pour préciser là, pour les gens à la maison en alphabet. Le 9 NUF, pas le 9 NUF. Non, c'est ça. Je pourrais pas se mêler, là. Sans moquer comme de l'Alcoran. L'Alcoran. Ce dernier désignant le Coran à cette époque. La Bible... De la musulmanie. C'est ça, musulmanie. Musulmania, la nouvelle réalité avec TV. 820, mais tu sais pas parce que... T'as eu un livre! Mais ça, non, j'ai quand même failli arracher la porte de la voiture à mon chum. Ouais. Il y a un petit papier de qui est parti de la porte, là, d'un chocolat que j'ai mangé jadis. Mais j'ai couru après, je l'ai ramassé, je l'ai mis à la poubelle comme une grande fille. Pas pour le licher. Alors, le papier. Franchement, tu sais pas que je l'ai liché, là, jadis, deux semaines quand j'ai mangé le chocolat qu'il y avait dedans. À 9h, tu vas nous faire le poste d'écoute. Oui. Avec une nouveauté musicale. Ça, c'est à One Class. On dirait que je t'apprends des choses. Ouais, me semble bien. Oui, j'aime mieux chéder, là. Mais on va débuter l'émission avec Laurent Constantin qu'on accueille à l'instantin. Oh! On l'a jamais fait en 2 ans, celle-là! Donc, moi, j'en retiens Considérant Constantin, nouveau slogan. Considérant Constantin, comme franchement Martineau, ça pourrait être topé. C'est ça. Et Constantin institutionnel, les frais Constantin institutionnels. C'est ce que je me suis retenu de dire. Oh boy. Tu surpasses, Mathieu. Merci. On reçoit enfin Marie-Laurence Audet. Elle était pas là hier, mais là, elle est là. Oui. Elle est là? On va profiter d'elle. Pendant le temps qu'on peut. Lève ton linge. Hey boy! Ça, c'est Steph qui le demande. C'est pas moi, j'ai rien dit. c'est déplacé, là! Ouais, tu t'es pas stiné, par exemple. Non, c'est ça. Est-ce que je peux faire un jeu de moi avec un sifflet et un entre-jean? On va siffler sur sifflet. Voici la loisir bien plus qu'un jeu. Hein? On appelle ça un sifflet, des fois, on appelle ça un sifflet. Ben, c'est de l'air qui sort. C'est de l'air qui sort, ouais, quand tu squeezes les... C'est de voir le bénévole comme un partenaire. Il fait partie de ton équipe. S'il n'était pas là, il manquerait un élément pour que la roue fonctionne. C'est comme, il est aussi important que ton oncle, Uncle Bénévole. Uncle Ben. Uncle Ben, du riz. On la rit pas. Tabarouette. La chronique, le Marie-Laurence, oui. Elle était très bien. Très, très bien. Ou comme on dirait en italien, molto bénévole. Molto bénévole. C'est de l'italien. Sacré italien. Italien. Il y a tellement rien à faire. Hey, j'ai juste cherché le mot molto bene. Je sais que ça disait déjà. J'ai cherché toi, tu es allé chercher la traduction. J'ai retrouvé un mot. C'est le premier lien sur reverso.net. Je t'ai fait du popcorn épicé caramel et bacon. Quoi? T'aimes le bacon? Mais tu sais, en même temps, ça vient de, tu viens d'éliminer comme deux personnes dans le monde au complet si tu parles de... Non, en fait, plus une religion. Mais... Mettons, ça élimine pas mal le monde. Mais sinon, tout le monde aime le bacon. Les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 10 novembre 2014, toujours avec une semaine de délai parce que la semaine n'est pas terminée pour nous encore. Et voilà, nous sommes le mercredi en direct. Écoutez-nous justement, assemblage requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Des fois on est plus drôle que ça, des fois on est moins drôle, des fois on est également drôle comme ça. Si vous avez écouté la semaine passée, ben c'était exactement drôle comme ça parce qu'on a mis ce qu'il y avait là dans le montage. Oui. On condense 8 heures en 8 minutes. On devrait faire la chronique triste. Tu sais, tous les petits bouts de triste. Ah, les bouts plates, les bouts... Ouais, les malaises. Ou et tous les malaises. Ouais. Tous les blancs. Ah ouais. Alors, on va écouter un extrait. Wow, c'est beau, hein? Ça, c'était le meilleur blanc qu'on ait jamais vu. Je fais ce gag-là souvent d'arrêter le fond, hein? Je fais ça souvent, pas mal. Mais c'est mon préféré, je pense. Ah, on a tous un préf. Ça est molto bénévole.